shit inside your head. No, no, yeah, F-I-E-N-D-S. We're just friends. So don't go look at me no. with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned, but don't be impolite. I've told you once, yeah. two, three, four, five, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Et toutes les fois Normande des radios. 16h17 sur Espace en Normandie et en Picardie. Dans quelques instants, quelqu'un avec son titre Ça ira mieux, Box and Ranks, avec leur Andrew Phone, mais tout de suite Marwa Lod avec son très célèbre Fallait pas sur Espace. Maintenant, ce qui te souhaite, c'est que du malheur. I did ring your Zelina. I did ring your Zelina. One time, one

avance 3, 3, 3, et ça ira mieux. Sur Espace. 16h27 sur Espace Normandie Picardie, du côté de Conchandouche ou encore de Beauménil dans quelques instants, la demi-heure. Mais tout de suite, mode souvenir, Michael Field, Moonlight Shadow. Normande des radios. 16h30 sur Espace en Normandie et en Picardie. Merci de nous avoir choisis, ça fait super plaisir. Dans quelques instants, Silk City avec leur titre Electricity. Maître Gims et Vianney avec la même, mais tout de suite, mode Coupe du Monde, Nicky Jam, Will Smith et Era Istrefi et leur Live It Up sur Espace. One life, live it up, 'cause you don't get it twice. One life, live it up.

l'hémisphère, je meurs. Mon corps se déchaîne, je danse à perdre haleine et je meurs. Je suis un amoureux du vice, un putain de terroriste et je meurs. Ça sent la dernière. Vas-y, oublie tout, oublie tout. Vas-y, oublie tout, oublie tout. Pour cette jeunesse abyssale, je cherche mon idéal, je meurs. Pour si entre un whisky coca et un shot de tequila, je meurs. Je rends ma chez moi, je sens qu'il n'y a qu'un pas, mais je meurs. C'est je cherche la sortie, le sens de ma vie, et je meurs. Sauf pour un dernier. Que tu finisses par terre. Je m'envoyais en l'air. Goûter l'atmosphère. Vas-y, oublie tout, oublie tout. Vas-y, oublie tout, oublie tout. Mon lexique dans la tise. Je me socialise, j'improvise. Je minimise mon analyse. Je cicatrise dans l'alcoolisme. Au fond je crois que j'agonise. Au fond je crois que j'agonise. Ça sera un dernier. Espace, la plus normande des radios. 17h07 sur Espace, dans quelques instants, Boulevard Désert, je me dis que toi aussi, FDVM, Fit Jack avec leur titre Till the Sun Comes Up, mais tout de suite Jonas Blue, Polaroid sur Espace. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. I was never a believer. But you could fall in love at the first sight, but all of a sudden. Polaroid, you signed your name upon me. I put it in my wallet. Open it.

pretty view. Overlook the mud and mess. Always looking effortless and still you. Still you want me. I got no innocence. Faith ain't no privilege. I am a deck of cards, vice or a game of hearts. And still you want me. I'll always let you down. You're shattered on the ground. Still I find you there, next to me. And on me, I know it isn't easy, but I hope to be worth it. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting.